Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Alors aujourd'hui, autour de la table, j'ai avec moi Emma et Régine. Bonjour Emma, bonjour Régine. Bonjour, bonjour Cécile. Voilà. Pour commencer, on va faire les présentations. Alors, je vais commencer par Régine, qui est à ma gauche. Donc, comme son prénom ne l'indique pas, elle n'a pas 75 ans. Donc Régine, je te laisse te présenter. Effectivement, je n'ai pas 75 ans, j'en ai 44. Voilà. Tes sports, alors Régine, tu cours. Oui. Depuis combien de temps? Je cours depuis une petite dizaine d'années. Une petite dizaine d'années, à raison de combien de fois par semaine? Grâce à une coach récemment rencontrée, actuellement 3 fois par semaine. Une coach merveilleuse, s'il te plaît. Il faut que les mots soient dits à un moment donné. Une torsionnaire merveilleuse, ouais, effectivement. C'est ça, voilà. Ton pire ennemi, ta meilleure ennemie, voilà. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Alors, 3 fois par semaine, un petit objectif bientôt? Un petit objectif, les 10 km de la Saint-Nicolas d'abord, bon. Et puis après, si tout va bien, un semi-marathon. Le semi-marathon de la Saint-Nicolas à Nancy également? Le semi-marathon, pas de la Saint-Nicolas, mais le semi-marathon de Nancy aussi, on reste sur Nancy. Les 10 km de la Saint-Nicolas bientôt, et le vendredi soir, si je ne me trompe pas, tu fais aussi du Krav Maga. C'est le mardi soir, mais oui, je fais aussi du Krav Maga. Et donc le mardi soir, puisque je me suis trompée, tu fais du Krav Maga. Oui. Donc déjà, Krav Maga, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi on parle? Oui, c'est un sport de self-défense qui est issu de techniques venant des services secrets, mais adaptées, bien les services sûr, secrets. Les services secrets israéliens. Israéliens, voilà. Mais adaptés à un niveau beaucoup plus soft pour les débutants comme moi. Donc c'est un sport de défense, pas un sport de combat? C'est un sport de défense. D'accord. C'est mixte? C'est mixte. Ouais, tout à fait. Tous âges. Tout âge? Tout âge confondu? Tout âge, ça va depuis... Il y a des sections pour les enfants. Ouais. Et puis là, dans la section où je suis, il y a des beaucoup plus jeunes que moi, des jeunes comme moi et des un peu moins jeunes. Et des un peu moins jeunes. Quelle proportion il y a d'hommes et de femmes? Je pense que c'est à peu près équivalent, 50-50. Il y a moitié-moitié? Oui. Chez les jeunes aussi? Chez les jeunes, il y a plus de garçons. Chez les jeunes, il y a plus de... Bah, alors, est-ce que c'est interprété un peu comme un sport de combat quand même? Est-ce que ça ressemble... Alors moi, les seules notions que j'ai de Krav Maga, c'est un petit peu comme le judo. C'est-à-dire qu'on se sert un peu de la force de l'adversaire contre lui. Oui, c'est ça. En fait, on essaye de retourner l'attaque de l'autre contre lui. La première défense étant, bien sûr, de se barrer en courant. D'où la course à pied. D'où la course à pied. Voilà. Et 3 fois par semaine pour courir plus vite. Voilà. Et si on ne peut pas effectivement essayer d'avoir au moins les réflexes pour simplement sauver sa vie. Voilà. Mais donc, c'est pas... est-ce qu'il y a des niveaux? Comme oui, en fait, c'est affilié à la fédération de karaté. D'accord. Donc il y a des ceintures qu'on peut passer ou pas selon l'objectif de la personne. Est-ce que tu sais dans ton club en fait si les gens sont plus là pour le côté sportif ou c'est le côté défense? Alors avec ça dépend des personnes avec qui j'ai échangé en fait. J'ai constaté que chez les femmes c'est souvent suite à une mauvaise rencontre et un vrai besoin de savoir quoi faire en cas de problème. Chez les hommes c'est plutôt un sport. C'est plutôt... les hommes, ils viennent volontairement sans arrière-pensée. Oui, tout à fait. Les femmes, c'est plutôt réfléchi. Les femmes, c'est souvent réfléchi ou alors ça fait suite à la découverte d'un autre sport de défense. Ça peut être, que sais-je moi, du karaté, de l'aïkido, peu importe. Et l'envie de découvrir une autre discipline. D'accord. Et toi, comment tu es venue? Il y a une mauvaise rencontre ou c'est fortuit? Moi, il y a eu un peu de tout. J'ai fait de l'aïkido il y a quelques années. J'ai eu effectivement la malchance de rencontrer certains détraqués. Mais je m'en suis très bien sortie. Il y a des stats justement sur ce sujet. Et j'ai aussi des amis super sympas qui m'ont dit tiens, viens essayer, ça te plaira. Tu verras, on tape sur les copains, c'est rigolo. Donc, effectivement, c'est sympa. Une bonne rencontre qui t'a fait. Qui t'a fait venir aussi. Tout à fait. Enfin, venir et rester. Les bonnes rencontres t'ont fait rester. Oui, parce que j'ai fait des stages de découverte qui sont gratuits. Et puis cette année, j'ai pris ma licence parce que je trouve que c'est vraiment sympa. Et en plus, voilà, il y a vraiment une très très bonne ambiance. Alors, t'as le droit de citer le nom de ton club, hein? Alors, je cite le Krav Bégard à Villers. Le Krav Bégard? Bégard. Jérôme Bégard, le nom de l'instructeur. D'accord, ok. Il y a, aussi un club sur Toul. Ah, ok. Donc, sur Toul aussi, sur Meurthe-et-Moselle. Il y a des stages de découverte éventuellement sur Toul? Il y a des stages de découverte sur Toul. Il y en a sur Villers, il y en a sur Pont-à-Mousson. Ils en font aussi pour les enfants. Il y en a eu un à l'occasion d'Octobre Rose qui était gratuit. Enfin, uniquement aux femmes ou non? Non. C'est tout... C'est tout... Oui, moi, j'y ai déjà emmené ma fille. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, en fait. D'accord. Faut pas hésiter à pousser la porte. Ok. Bon, ça a l'air bien. Hein. On a envie d'y aller. Emma, toi, tu pratiques l'équitation. Donc, même punition, même question. Depuis combien de temps? Alors, j'avais 5 ans, je pense, quand j'ai réellement commencé. Je faisais à la base que pendant les vacances sur des stages sur 1 à 2 semaines. Et après, vers l'âge de 7 ans, j'ai commencé à monter régulièrement une fois par semaine. Une fois par semaine. Alors ça, c'était tes débuts. Maintenant, tu as ton propre cheval Oui. que tu as dressé toi-même. Depuis 7 ans, et ben, y en a un nouveau du coup qui va arriver. Donc tu as 2 chevaux? Oui. Dans lequel j'ai plus de buts compétitifs, du coup, avec le deuxième. Donc tu as le droit de donner le nom, pas de ton club, hein, mais de tes chevaux. Il faut vraiment que je m'en vante parce qu'il s'appelle Princesse. Mais on va lui retrouver un autre petit nom. Voilà. Le premier cheval n'a pas de but, n'avait pas de but compétitif. Alors, elle vient d'une réserve. On l'a eue quand elle était assez âgée pour pouvoir en faire réellement un cheval avec lequel on pouvait avoir des objectifs de compétition. Néanmoins, elle a quand même pas mal d'endurance sur différentes randonnées qu'on a pu faire. Elle aurait pu faire de l'endurance aussi, chose que j'ai pas faite. Elle ne sautait pas du tout, donc on n'a pas fait d'obstacle. Mais elle avait des très belles allures, on aurait pu faire du dressage aussi, qui a été travaillé mais qui n'a pas du tout été en compétition. D'accord. Donc t'as pas fait trop de compétition et là t'as décidé de t'y mettre. C'est surtout par rapport au fait que le cheval avait vécu 10 ans en étant tranquille. On ne pouvait pas lui demander tout de suite Non plus, tout doucement. d'aller travailler trop sérieusement non plus. Du coup, le prochain, on fera les choses un peu plus sérieusement. D'accord. Alors je te demande pas combien de fois tu montes par semaine, parce que comme le cheval est à toi, on avait déjà vu dans une précédente émission que c'est pas comme une mobylette et qu'on n'y va pas 2 fois par semaine pour le voir, t'y vas tous les jours, je pense, à peu près. Alors, allez, en pension, on s'en occupe quand t'es pas là, évidemment. T'estimes à combien d'heures par semaine que ça te prend? J'y vais tous les jours au moins 1 heure quand je ne monte pas et elle ne travaille pas. Et il faut compter au moins 1 heure de travail, voire du coup pour l'entraînement et l'endurance, on est plus à 3 heures montée. 3 heures montées par semaine, plus une heure 3 heures de... 3 heures montée par séance Ah, par séance, ouais. en fonction des objectifs qui sont en place, donc plus l'été que l'hiver parce qu'il fait un peu froid. Donc, Tout le voilà, monde reste au chaud. exactement. Mais ça dépend, c'est vraiment. Au fur et à mesure, et ça dépend en fait. Finalement, je passe plus de temps à pied et à venir m'en occuper qu'à réellement monter pour pouvoir travailler ce que j'ai envie de faire pour qu'elle soit un peu musclée. C'est toi qui tu fais plus de sport qu'elle. Je dirais pas ça non plus, mais. Mais je passe plus de temps à pied, c'est sûr, qu'à réellement faire du sport avec. D'accord, ça fait partie ça fait partie du plaisir aussi. Oui, oh, c'est sûr. Voilà. Donc l'hiver, elle fait un petit peu plus de gras, on va dire. Bah, bizarrement, c'est l'été. Ah bon? Parce que la nourriture est plus Ah, riche. la nourriture est plus riche. Alors c'était juste une petite glissade pour vous poser la question suivante. C'est est-ce que avant de faire du sport, vous goûtez? Bien sûr. Non. Jamais? Non. Oh, quelle question. C'est dommage parce que j'allais vous proposer justement À goûter? de retrouver la spécialiste du sujet, Julie, avec sa recette. Fadjet, défi sport, la recette sportive de Julie. Alors Cécile, ce mois-ci, je vous propose une recette de brownie au chocolat protéiné. Pour les ingrédients, il vous faudra simplement un petit peu d'eau ou de lait, 35 g de farine d'avoine, 25 g de protéines végétales au chocolat de préférence, 7 g de cacao en poudre, une demi-cuillère à café de levure et les toppings de votre choix. Pour cette recette, c'est tout simple. Dans un bol, mélangez tous les ingrédients secs, ajoutez petit à petit un peu d'eau ou de lait jusqu'à ce qu'une pâte se forme. Faire cuire 2-3 minutes au micro-ondes et vous pouvez mettre les meilleurs toppings de votre choix. Et voilà, c'est prêt. Vous avez donc un délicieux brownie au chocolat protéiné à plus de 30 grammes de protéines, ce qui est parfait pour votre post-workout. Défi sport sur Fadjet. Merci Julie. Et Marie-Jeanne, ça vous fait saliver un brownie au chocolat? Oui. Emma? Ah bah bien sûr. Tout à fait. Et moi je goûte avant. Je goûte. Alors l'émission elle commence à 18h30, on est plutôt sur l'heure de l'apéro, mais le brownie au chocolat ça va aussi, non? Ça passerait. Bah oui. Alors j'en ai pas pour vous faire goûter, mais je vous propose à la place un petit boost de confiance en soi quand même avec une petite pause musicale. Alors c'est parti avec Love Myself de Hailee Steinfeld. rising slow, feeling good on my own without you. Yeah, got me speaking in tongues, the beautiful it comes without you. Yeah. L'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. De retour dans Défi Sport. Aujourd'hui, on est là pour parler sport et confiance en soi, et avec toujours Emma et Régine. Et pour introduire la deuxième partie de l'émission, tout de suite, on va écouter la Minute Lise. Mais sans Lise cette année. Défi Sport sur Fadjet, c'est l'heure de la Minute Lise. Alors aujourd'hui, dans la Minute Lise, on va se pencher sur deux catégories de stats. La première étude, je vous fais écouter parce que je vais vous faire réagir, soyez attentives. Donc, la première étude, je mets des guillemets à étude, parce que c'est pas, ça ne porte pas vraiment sur le sport, mais sur la confiance en soi, et c'est un sondage américain de 2023, dont vous avez sûrement entendu parler, par lequel on apprend que 46% des hommes, soit presque la moitié, pensent pouvoir faire atterrir un avion en cas d'urgence. Je pense que vous en avez entendu parler ? Oui. Oui. Ouais. Voilà. Alors que 71% des femmes s'en sentent incapables, soit quasi les trois quarts. Les femmes, trois quarts des femmes s'en sentent incapables, quasiment la moitié des hommes s'en sentent capables. On est sur la confiance en soi. La seconde étude porte sur le running et date également de 2023. Donc c'est une étude Adidas qui a interrogé 9000 coureurs, la moitié hommes, moitié femmes, dans 9 pays sur leur perception de la sécurité lorsqu'ils courent. Donc cette étude nous apprend que parmi les femmes interrogées, 92%, soit 9 femmes sur 10, ont déclaré se sentir inquiètes pour leur sécurité lorsqu'elles courent, contre 38% des hommes, un tout petit peu plus qu'un tiers. Pour les femmes, 51% craignaient d'être agressées physiquement, 56% avaient reçu une attention non désirée, 55% avaient fait l'objet de commentaires sexistes ou d'une attention sexuelle non désirée. Le chiffre le plus triste, c'est que 46% des femmes interrogées, donc presque la moitié, affirment avoir renoncé au running après avoir subi une forme de harcèlement, quel que soit ce qu'on a cité tout à l'heure. Avec ces chiffres, on n'est pas complètement sur la confiance en soi, mais on se rend compte de la différence de la perception du sentiment de sécurité dans la pratique de son sport varie sensiblement selon le sexe, de la même façon que la perception de la confiance en ses capacités physiques et intellectuelles. Défi sport sur Fadjet, exclusivement consacré au sport féminin. Alors de retour, Emma et Régine, je vous interroge déjà, est-ce que vous connaissez ces chiffres ? Alors l'avion ? L'avion, oui. L'avion, oui, ça, vous en avez entendu parler. Les stats concernant le running sur la sécurité ou l'insécurité, plutôt concernant le... Alors, pour toi, Régine, course à pied. Pour toi, Emma, je pense que c'est quand t'es en balade avec ton cheval. Ça t'arrive d'aller en balade seule ? Oui, très oui. souvent même. Voilà, donc je pense que la sécurité, on est sur le même sentiment de sécurité ou d'insécurité que la course à pied. Donc, votre perception à vous ? Courir dans les mêmes endroits la nuit qu'en pleine journée. En pleine journée, je me sens pas en danger. Hmm? Mais effectivement, avec la nuit qui arrive plus tôt, il y a des endroits où je ne vais pas. Alors là, on est sur la sécurité pure. Emma, toi, ça te dit ? Bah alors moi, au niveau de mon sport, pour le coup, c'est pas trop en ville. Je pense que le risque vient plutôt justement de la ville. En campagne, on n'est pas du tout... On croise rarement même des gens pendant qu'on est en train de faire nos entraînements. Mais justement, en fait, le fait d'être isolé, comme t'as la campagne, tu vas pas croiser de gens, t'as jamais eu ce sentiment d'insécurité d'être seul, justement ? Bah alors, les gens que je croise régulièrement, c'est le papy et la mamie qui vont se promener dans le bois, ouais. ou l'agriculteur qui est en train de travailler, ou une famille qui se promène. Donc, généralement, non. On a très rarement une personne qui est seule. Et le fait d'être avec un cheval, enfin, t'es tout seul, mais en fait, t'es avec le cheval, ça t'apporte un sentiment de sécurité quand même ? Alors oui, parce qu'au final, on n'est pas tout seul. Et en fait, on a déjà pu remarquer que même, par exemple, si on arrive dans un village et qu'on veut aborder quelqu'un pour juste demander son chemin, du fait d'être sur le cheval, la personne, c'est comme si on la prenait de haut. Donc, d'accord. Pour elle, en fait, on se sent un peu au-dessus et sur nos grands chevaux, c'est le cas de dire. pour pouvoir lui parler, et du coup elle va être plus intimidée que si elle parlait avec quelqu'un à pied. D'accord. Ah, c'est le contraire en fait, ouais. c'est plutôt l'inverse, c'est toi qui fais peur aux gens, quoi. Alors donc là on était sur de la sécurité pure, mais on va parler confiance en soi, et puis comme nos auditeurs ont pas le visuel, je vous plante quand même le décor. Donc Régine 1m60, Emma plus ou moins la même chose. Alors, on est bien d'accord, il n'y a pas de jugement de valeur. Grande par l'esprit. Voilà, tout à fait, puisque quel que soit le genre. Les pieds touchent le sol. On est d'accord, exactement, c'est ce que j'allais dire. La bonne taille, c'est quand les pieds touchent le sol. Par contre, on est OK pour dire que toutes les deux, vous êtes des modèles petits gabarits. On n'est quand même pas sur des 1m90, c'est Teddy Riner, c'est pas vous, quoi. On est d'accord. Non. On fait pas peur à grand monde. On fait pas peur à grand monde. Si on peut faire le regard qui tue, tu sais. Ah, ouais. Même pas moi, ça marche pas. C'est pas la taille qui compte. Et donc. Pour toi, Emma, tu donnes quand même, donc on a dit plus ou moins 1m60, tu donnes des ordres à un animal de 250 kg. Oui. Un peu plus l'hiver. L'été, tu nous as dit, un peu plus. Et toi, Régine, tu mets au sol des hommes et des femmes à qui t'arrives à l'épaule à peu près. On n'est pas sur de la négociation Montessori là non plus. Non. C'est pas très Montessori. Non. Voilà. Mais c'est efficace. Mais c'est efficace. Donc toutes les deux, la question pour toutes les deux, mais chacune son tour, qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer ce sport ? Vas-y, je te laisse commencer. Il y avait une question de confiance personnelle ou pas ? Sur la course à pied, oui. C'était l'envie de me prouver que j'étais capable de le faire. Ouais. Et de tester jusqu'où je suis capable d'aller. Et je découvre que je suis capable de faire bien des choses que je ne me pensais pas capable de faire. Pour le Krav Maga, c'est l'envie de découvrir une nouvelle discipline. De savoir pouvoir... Enfin, vraiment, pour moi, de savoir réagir... Ou au moins me dire que je pourrais être capable de réagir si je retombe sur les mêmes phénomènes qu'avant. Donc là, dans les deux cas, en fait, même la course à pied, si tu te dis c'était pour te prouver à toi-même que t'étais capable. Donc il y avait, c'était pas inné la confiance en toi chez toi à ce moment-là. Ah non, c'est pas inné chez moi, non. C'est pas inné non. Chez toi. Ça, le fruit d'un grand travail. C'est le fruit d'un grand travail. Et donc le sport a contribué à ce travail ? Ah oui, complètement. Oui, parce que moi, ado, j'ai pas fait de sport. Hmm. En cours de sport, j'étais celle qui était choisie en dernier. Celle qu'on prend à la fin parce qu'on est obligé. Celle qu'on prend à la fin parce qu'on n'a plus le choix, il reste plus que celle-là. Voilà, c'était moi. C'est pas évident à vivre quand on a 12-13 ans. Ouais. J'ai des parents, j'ai un papa qui faisait quand même beaucoup de sport et qui me forçait à me lever le dimanche matin pour aller courir. Je me dis, quelque part, ça m'a servi. Merci, papa. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai eu la chance d'avoir, dans ma vie, de rencontrer des collègues qui, eux, faisaient du sport et qui m'ont dit, bah tiens, viens avec nous, on essaye. Et puis, on voit que ça passe. Et puis, étrangement, on prend goût à la course à pied parce que oui, ça arrive. Au bout d'un moment, on a une espèce de déclic qui se fait. Et puis maintenant, si je ne vais pas courir, on va dire, au moins 2 fois par semaine, bah, je suis un peu pénible pour mes collègues. Donc, ça a contribué, ça se ressent dans ta vie personnelle, cette confiance ou pas ? Oui. Et puis, ça aide à gérer bien des choses parce que quand on va courir ou quand je fais du Krav Maga, j'évacue une... fait, ça me vide la tête. Mmh. Et du coup, j'évacue ce qui est le stress, quoi, tout simplement. Donc, je suis plus calme, plus zen, et puis peut-être plus sympa, mais ça, il faut voir. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens, de la perception. Ouais. Et toi, Emma, chez toi, Emma, la perception de la confiance en toi, c'était inné quand t'étais sûre de toi dès que t'étais petite ou pas? Pas trop, non. Pas trop. Le poney, c'est donc ça a commencé 5 ans, on te donne un poney. D'ailleurs, en fait, quand on commence, quand t'es débutant, on te donne un poney, entre guillemets, à ta taille, un animal à ta taille, et puis adapté, le caractère adapté, on va pas te donner un cheval sauvage dès le départ. Ça contribue, je pense, à faire, à te donner confiance en toi. Bah, au début, oui, parce qu'ils sont plutôt faciles, on prend confiance aux gestes qu'on exerce sur eux. Ce qu'on leur demande, la justesse de ce qu'on leur fait faire aussi. Parce que si on mélange un peu tout, finalement, on n'arrive pas à obtenir grand-chose. Et au fur et à mesure, du coup, on monte sur des niveaux un peu plus hauts et avec des choix un petit peu plus durs qui demandent plus de finesse, plus de réflexion, des fois, quand on leur demande aussi quelque chose. Et finalement, le caractère est important aussi pour être sûr de ce qu'on demande pour pouvoir l'obtenir, parce que sinon on l'aura pas. Ça reste un animal qui ne parle pas le même langage que nous à la base. Alors, est-ce que le fait de gagner en confiance sur un animal, sur tu dis t'es petite, j'étais pas très confiante en moi, le fait de savoir que tu peux diriger, alors un animal, un poney, c'est peut-être un peu moins gros que le cheval de 150 kg, mais il reste proportionnellement 4 ou 5 fois plus gros que toi quand même. Est-ce que de savoir que tu peux diriger un animal de cette taille-là, du coup ça te donne une aisance dans tes relations avec les autres? Alors non, pas spécialement, pas sur le fait d'avoir un gros animal à diriger, mais plus dans le sens où on comprend ce qu'on fait. Au fur et à mesure, on se dit que on est capable de le faire, que si on a réussi à obtenir telle et telle chose justement de cet animal-là, c'est que finalement on est plutôt juste dans ce qu'on fait, et du coup ça nous donne confiance derrière pour pas nous imposer, mais... quand on demande quelque chose à quelqu'un, on sait qu'on le demande forcément d'une manière un peu plus adaptée parce qu'elle est déjà passée, qu'on est plutôt juste dans ce qu'on demande aussi. Donc finalement, ça prend confiance en notre propos. Il y a une forme d'adaptation. Comme tu travailles avec un animal vivant, tu peux pas lui imposer des règles. Enfin, il y a des réactions. Il va y avoir une réaction par rapport à la façon dont tu donnes l'ordre. Ça te resserre dans ta vie de tous les jours? Ah bah complètement. À l'école, au travail? Finalement, personne ne réagit de la même manière. Quand on discute avec chaque personne, personne n'interagit de la même façon. Enfin, si, mais ne réagit pas de la même manière à différents propos qui peuvent être dits ou différentes manières, des choses comment on peut les dire. Et finalement, on s'adapte tout le temps. Et je pense que ce sport-là, pour le coup, m'a bien aidé sur ce point-là. Au final, accepter que les gens ne pensent pas comme moi. Ne pensent pas comme toi, n'obéissent pas forcément au doigt et l'œil. Voilà, et que du coup, je peux quand même... aller sur un point qui m'intéressait, mais en trouvant d'autres moyens. Mais vu que j'ai plutôt maintenant confiance en ce que je raconte et ce que je dis, ça me donne quand même confiance en propos sur lequel j'ai envie d'amener la personne. D'accord. Toutes les deux, donc vous avez commencé votre activité sportive avec quelqu'un pour vous montrer. Donc on parle d'entraîneur, de coach, de partenaire, ce que vous voulez. Comment ça a impacté votre confiance? Est-ce que l'animateur, enfin, ou l'entraîneur, éducateur pour le cheval, est-ce que ça sert grandement à vous faire prendre confiance, prendre confiance en vous au niveau général, pas que dans le sport? Est-ce que l'entraîneur il y a une fonction où il vous fait prendre confiance en soi quand il dit vas-y prends ce cheval là mais celui-là le dernier coup il a fait tomber ma copine, j'ai pas trop envie. Si tu étais capable de le faire, ça t'est déjà arrivé ou pas? Alors oui, sauf que c'était il y a une vingtaine d'années du coup que j'ai commencé. On n'exagère pas. Enfin, un peu moins, mais quand j'étais petite quoi. Et les profs c'était plus les mêmes que maintenant et ils étaient un peu durs. Ouais. Et c'était pas dans oh bah t'es tombé, c'est pas grave machin, tu peux remonter. Non, c'était un moment prends un peu confiance en toi et puis tu vas remonter dessus, c'est pas très compliqué quoi. Donc du coup au final remonter. Donc c'est plutôt te secouer les puces quoi. Ouais. D'accord. On s'est bien fait secouer les puces et puis on remonte dessus et puis c'est reparti quoi. Et donc ça te donne confiance quand même? Ah bah oui, parce que t'as pas le choix, il faut bien remonter à un moment dessus. D'accord. Donc en fait finalement ça t'a servi, ça, c'est une expérience positive quand même. Ah bah oui, voilà. Complètement. Donc et aujourd'hui du coup de entre guillemets t'as fait remonter les puces quand t'étais petite, Tu le prends, ça te donne quoi par rapport à maintenant si tu, si quand tu dois gérer un conflit, alors que ça soit avec un subordonné ou avec un la hiérarchie, ça, ça t'aide ou pas? Alors moi je veux bien entendre les deux côtés, mais j'arrive pas à avoir l'autorité qu'on a eue sur moi quand j'étais petite. Donc c'est pas, on est sur une phase progression de progression voilà. Quand même, on n'est pas encore, il y a encore du travail, il faut encore continuer de monter à cheval. Oui voilà c'est ça. Toi Rivine? Sur le côté confiance au niveau entraîneur, on t'a dit que tu étais capable de le faire? Oui, alors moi, ça me laisse toujours un peu perplexe quand on me dit « Mais si, tu vas le faire, t'es capable de le faire. » Ouais, ok, je vais essayer, mais après, je me rends compte que, effectivement, je suis capable de faire. Je dirais pas... Je sais pas si la personne arrive à me donner confiance en moi. Je pense que c'est le fait d'y arriver, mais en tout cas, moi, j'ai confiance en elle. Et du coup, quelque part, je me fie à son ressenti, je me laisse guider. Et quand on me dit « Arrête de te plaindre », n'est-ce pas ? Et vas-y, tu vas pouvoir le faire, tu vas y arriver. Je me dis « Ouais, bah... Ouais. » Et puis si, finalement, ça, la séance, elle passe. Alors effectivement, le lendemain, j'ai mal aux pattes, hein, parce qu'il faut... J'ai plus 20 ans non plus. Et j'ai pas une grande pratique sportive derrière moi. Mais oui, évidemment, de voir qu'on y arrive et que la personne nous pousse toujours un peu plus loin à progresser, de voir qu'on y... Qu'on y arrive, qu'on est capable de le faire alors qu'on pensait même pas être capable d'en faire la moitié. C'est sûr, c'est chouette et ça donne confiance en soi. Et après, moi je peux transcrire par rapport au boulot. Quand on me file des dossiers qui sont un peu complexes, et ben maintenant je me dis, au lieu de me dire ah là là, j'y arriverai jamais, je me dis bah ouais, bah vas-y, commence hein, en fait. Et puis ça passe. Et puis ça passe. En fait, donc ton manque de confiance, toi t'as pas de confiance en. Enfin, t'avais un manque de confiance en toi, ouais. Mais par contre tu fais confiance aux autres. Oui. Et du coup, ça rejoue sur pas ta confiance. Pas tout le monde, quand même. Pas tout le monde. Parce que je suis d'une nature assez méfiante. Donc là, moi, je pars du principe que la confiance, ça se gagne. Je fais confiance aux gens dès le départ. Voilà. Ils ont comme un permis à points, en fait. Ils ont un capital confiance. Une fois que c'est foutu, c'est foutu. C'est fini. Je la redonne plus. Je redonne pas le permis. Mais ouais, mais puis ça aide d'être entouré de gens qui partagent les mêmes pratiques, qui ont un point de vue, qui ont un peu plus d'expérience aussi. Il faut aussi se fier au savoir des gens, quoi. D'accord. Donc toi, tu fais confiance quand même. Moi, je fais confiance. Alors, on parle de regard des autres, entraîneurs, etc. Le regard des autres, en général, porte pas seulement sur votre façon d'être, il porte également sur le corps. Et comment votre perception de votre corps et de vos capacités physiques a évolué avec votre pratique sportive, Emma? Nous, on porte des pantalons assez serrés pour le coup. Je cours en short, s'il te plaît. Oui, c'est vrai, mais... Voilà. Du coup, quand on est petit, ça n'a pas trop d'incidence. Au moment de l'adolescence, peut-être plus. Au moment où on grandit et qu'on prend quelques formes et petites rondeurs, on n'a pas spécialement envie de les montrer. On aimerait bien avoir un petit pantalon un peu plus large quand même, tout serré pour pouvoir aller faire du cheval. Mais au fur et à mesure, tout le monde l'a quand on va monter. Donc, Et la perception de ton corps, du fait que quand t'es à cheval, t'as un pantalon moulant. Du coup, après, t'as plus confiance en toi pour mettre des vêtements serrés pour, dans la vie de tous les jours ou pas? Non, sur la vie de tous les jours, tu... Pas spécialement. C'était la mode quand j'étais au collège. Tout le monde avait des slims, donc on mettait des slims. Ça te pose pas de problème. Régine? Moi, je cours en short. Je suis pas taillée comme une coureuse de compète. Puis j'ai qu'un corps. Donc, il faut bien que je l'accepte. Puis je me dis que finalement, il est pas parfait, ce corps. Mais j'ai que celui-là. Et puis, il me permet de faire des trucs que je soupçonnais pas. Donc, je commence à l'aimer. Donc, tu es quand même pas mal. Ouais. Et au bout de tant d'années, commencer à s'accepter, c'est pas si mal. Donc, avant ta pratique sportive, t'étais moins en short? T'osais pas ou Oh non, j'étais pas en short. Jamais? Si, chez moi. Ouais. Dans mon jardin, quand personne me voit. Mais... Non, tu m'aurais pas vu en short. Non. Alors, j'avais une question, c'était pour vous deux, mais Emma, en fait, t'as une copine avec un témoignage qui est intéressant. C'est la question, c'était, est-ce que vous avez un moment où votre pratique sportive vous a particulièrement aidé à croire en vous? Et toi, t'as le témoignage de ta copine Océane? Oui, j'ai une très bonne copine à moi qui, quand elle était petite, elle était très timide. Donc, ses parents, ils ont décidé de lui acheter un cheval pour pouvoir qu'elle prenne confiance en elle, qu'elle puisse un petit peu plus s'affirmer, parce que finalement, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir... C'est ce qu'on disait quand on disait 250 kilos. À un moment donné, il faut qu'il écoute. Hein. C'est ça. Et en fait, donc elle a choisi celui qui lui faisait plaisir parce qu'il courait vite, il était très beau. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, quand elle a eu ses débuts avec lui, tout se passait pas spécialement comme elle l'avait prévu. il est devenu un petit peu plus compliqué et avec un sacré caractère bien affirmé. Donc elle a pris confiance en elle finalement pour pouvoir atteindre les objectifs qu'elle avait envie d'atteindre avec lui, parce que sans ça, elle se serait écrasée par le caractère du cheval et ça aurait pas fonctionné. Et ils ont fait de très très belles choses ensemble au fur et à mesure. Elle l'a eu quand elle était assez jeune, elle l'a eu pendant 12 ans. Il est malheureusement décédé l'année dernière, mais en attendant, ils ont fait de très très belles choses. Ils ont été classés sur des épreuves d'endurance aussi. Donc c'est que finalement, les deux ont pris confiance, ont eu confiance l'un dans l'autre aussi, et ça a donné des résultats à la fin. Donc il y a une histoire de persévérance aussi. Et la persévérance et de voir que, ça, que finalement on y arrive, ça vous donne un sentiment de confiance en vous également ? Ah bah ça donne confiance en soi, en le cheval aussi en l'occurrence, et ça permet de voir un horizon un peu plus loin et de belles choses qu'on peut faire avec au fur et à mesure. Ouais, complètement, ça permet d'envisager en fait d'autres épreuves, de se challenger tout seul en se disant tiens, si j'essayais... Il faut que je continue. Il faut que je continue, parce qu'il faut que j'y arrive. Il faut toujours faire mieux, de toute façon, c'est ça. Défi sport sur Fadjet. Eh bien, merci Emma, merci Régine, ça sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Défi sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport.